Hey bébé, de tout ce que j'ai de plus cher, c'est pour ça que je te laisserai jamais à personne. Même si je sais que j'ai des amis qui aiment l'échangisme, qui aiment s'échanger les leurs pour une soirée ou deux, c'est pas mon genre. Même si des fois j'invite des copains ou je les laisse regarder quand on est ensemble, tu sais bien qu'il y a que toi qui compte pour moi. J'aime tes formes, j'aime ta voix, j'aime quand j'y vais doucement avec toi. Toucher ton cuir, me coller à toi, me glisser en dessous pour voir ce qui va pas. Laisse-moi faire, t'enfonce la pompe dans le trou, je remplis, y'a pas de galère. Gourmande, c'est que t'avais soif, tu m'étonnes, t'as tellement sucé ce mois. Marche avant, marche arrière, putain, personne n'a le droit de toucher à ton arrière-train. Tu démarres au quart de tour, c'est tout ou rien, je tiens toi, car je peux te monter en tout terrain. Je te tiens par le manche, ça fait des ans vieux, j'adore ton teint, t'as une belle couleur bleue. J'aime m'asseoir sur toi, non je pète pas, tu peux m'appeler pervers, mais ça, c'est ma caisse. C'est ma caisse, ça, c'est ma caisse, ça, c'est ma caisse, ça. Tu voulais une caisse, tu l'as, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux la dompter, la voilà. Tu veux rider avec qui? Tu veux rider avec moi? Qui veut rouler avec classe? Rouler avec classe, rouler avec classe. Qui veut rouler avec classe? Rouler avec classe. Regarde-moi rider. Rider, c'est pas facile, Aladdin. Je l'ai compris quand j'ai passé mon permis. Un coup je suis trop lent, un coup je vais trop vite. Je peux buter des chats, mais pas des mamies. As du créneau, avec un chariot, mais avec une caisse. Non merde, j'ai pas de peau. Premier accident, je tamponne un keuf. Donc R.I.P. Renault 19. Maintenant je ride en 6 vitesses, un 9 DCI. Je récupère le C, D10II, c'est reparti. Boire ou conduire, j'ai fait mon choix. Mais quand je suis en passager, fais chier, obligé de boire. J'aime l'entretenir car elle moule mes seins. Mais si dans 5 minutes il n'y a pas 5 meufs qui viennent à laver en petit shirt plein de mousse, ben je vais le faire moi-même tout nu. Car c'est ma caisse, ça. C'est ma caisse, ça. Ça, c'est ma caisse, ça. Ça, c'est ma caisse, ça. Tu voulais une caisse, tu l'as. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux la dompter, la voilà. Tu veux rider avec qui? Tu veux rider avec moi?